boulot. Et pour terminer, si vous aimez les programmes courts et la psychanalyse, regardez le service après-vente d'Omar et Freud. Mickaël à la radio. Le replay, tous les matins. Morning Show. Réveillez-vous avec Mickaël. Alors, heureuse ? Mickaël à la radio, tous les matins, 6h-9h30, sur Fun Radio. Fun Radio. Avant la question existentielle, à base de lapin, mais quoi exactement ? Ben en fait, non, c'est parce qu'il y a une meuf qui est pas venue, j'avais un rendez-vous ce week-end, on m'a dit, ouais, elle t'a posé un lapin. Oh, pauvre taf. Alors, oh. Du coup, moi, je suis parti à la recherche. Non. Si, je suis pas venue, c'est tout, tu peux le dire, toi, c'est pas. Et donc, du coup, je suis parti à la recherche du lapin, mais je le trouve pas. Eh ben oui, forcément. Bon, on va appeler à Carrière pour voir s'ils ont trouvé le lapin. Bah oui, allons-y. Bon, allez, c'est parti, direction Carrière. 7h55 sur Fun. Allô ? Oui, bonjour madame. Oui ? Oui, bonjour. Voilà, en fait, je vous appelais, j'avais une petite question à vous poser. Alter-C ? Bah oui. Oui. Vous avez vu l'heure qu'il est ? Bah oui. Et c'est quoi ? Ah bah en fait voilà, je me demandais parce qu'on m'a dit voilà, il y a une fille, elle t'a posé un lapin ce week-end et en fait je trouvais pas le lapin. Donc je me demandais si peut-être vous sauriez où il est. Écoutez, là vous exagérez un petit peu, hein. Vous avez vu l'heure qu'il est, vous dérangez les gens, franchement c'est. Oui, mais enfin c'est pas sympa pour le lapin madame. Oui. Ah, bon, elle s'en fout. Ouais. On rappelle à Carrière, c'est pas grave, peut-être attention. Qu'il a été chercher le lapin aussi, hein. Bah oui, non, mais c'est ça peut-être. Elle s'est dit, oh là là, il y a de bouffer pour ce soir là. Allô. Oui, bonjour monsieur. Mais vous allez vous faire foutre, oui. Mais enfin monsieur. Bah c'est ça, hein, non, mais ils sont au taquet du lapin, l'autre il a trouvé un truc à bouffer ce soir là, il s'est dit, oh là, et moi je lâche pas la bête, hein. Attends, tu rigoles ou quoi? Bon, c'est un... Tous les matins, 6h-6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. L'important pour bien commencer la journée, ce n'est pas de se lever du bon pied, mais c'est d'oublier la journée qui nous attend. Mickaël à la radio. Détendez-vous, vous êtes sur un nuage de 6h à 9h30 sur Fun Radio. Le numéro à donner à tous les relous que vous croisez pour éviter de les avoir à nouveau sur votre route. Et on écoute maintenant un relou que vous avez peut-être évité, vous qui êtes derrière la radio là, écoutez. Salut, je vois que tu as éteint ton message, t'as laissé ta messagerie et bah, je t'appelle, voilà. Donc comme prévu, j'espère que tu me répondras à la suite. Voilà, je te fais des gros bisous. Mais oui, je te fais des gros bisous. Tu as bien parce qu'il n'a pas du tout une voix de pervers. Hein, bonjour. Oh, tu fais peur. Bonjour Aline, tu as coupé dans mon message. Oui, je sais pourquoi. Bah oui, bah tu m'étonnes. Deuxième message, on écoute justement. Oui Anaïs, bonjour, j'espère que c'est pas un faux numéro. J'ai essayé de te joindre plusieurs fois ce matin, mais je tombe à chaque fois sur répondeur. Donc bah, merci de me recontacter suite à la discussion que nous avons eue cette nuit sur internet. Voilà voilà. J'attends ton appel. Bah, c'est pas un faux répondeur, c'est pas un faux numéro, hein. Le numéro est vrai. C'est pas le sien certes, mais le numéro est. Mickaël à la radio, le replay.